Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute. Mon nom est Mathieu Plante et à chaque semaine, on découvre les nouveautés musicales reçues à C'est fou pendant la semaine parce que vous savez, C'est fou reçoit des caisses et des caisses de nouveautés à chaque semaine et on doit les ouvrir, on doit les écouter et on doit voir ce qu'il y a de bon, ce qui pourrait jouer à C'est fou régulièrement, ce qui va devoir finir dans les oubliettes, dans le cachot de C'est fou. Aujourd'hui, on va entendre du Latin Reggae de Putumayo, ça va être très bon. Si on a un petit peu de jazz aussi, on va s'essayer avec deux gars s'essayent, hein, première tentative, c'est le nom de leur album. Claire Diterzi nous a envoyé quelque chose aussi, Annick Granger, et on va peut-être jouer un petit peu d'Annick Jean, mais on commence par l'équanimité de 4D, c'est leur nouvel album. 4D, c'est tellement, tellement bon. On a reçu un album 2 il y a un bout de ça, puis ça m'a fait vraiment marquer. Donc, on va l'entendre tout de suite. Les morts vivants sifflent, c'est la première pièce de leur nouvel album. Et ça commence maintenant dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est dans vos oreilles. Les rues sont désertes et le pavé est brouillé. Les morts vivants perdent des bras et le sang. Ça siffle et ce n'est pas vivant. Crache dans les poubelles, pleine de verre et de nourriture souillée. Tourne ta tête et regarde-les venir vers toi, ce sont des renégats. Cours le plus vite que tu peux. Tu sentiras que tu vis en ennemi. Le nez te saigne, tu lances des roches. Par la fenêtre, tu vises les torches. Venir vers toi, ce sont des renégats. Les murs sont debout et sont muets. Mais la remange vos épaves. Même sans le cœur, elle fonce vers moi. L'impie, l'imprudent, l'impertinent. Qui quitte les corps morts, prend son temps avec une pioche, tu les traverseras. Ils sont debout et sont muets, mais l'arme mange vos épaves. Même sans le cœur, elles foncent vers moi. L'impie, l'imprudent, l'impertinent. We'll be right back. et ce n'est plus cool. La figure est tirée, ça c'est super cool. Même avec des jumelles, les copies du nez de Cléopâtre se déhanchent. Même avec des jumelles, on ne reconnaît plus personne. Trois premières pièces du nouvel album de 4D, L'Équanimité. On a commencé par Les Morts-Vivants Sifflent, ensuite Extra Mini, et puis ça, c'était La Momie. Moi, comme toujours, j'adore 4D, donc je suis peut-être un petit peu biaisé, mais c'est un groupe qui est très partagé hein, pour les opinions. Il y a des gens qui adorent ça, comme moi, et puis l'animateur de La Dernière Porte à Gauche, Kiwan, bonjour. Et il y a des gens qui détestent ça. Ça arrive aussi, j'ai reçu des téléphones qui me disaient hey, « arrête de faire jouer ça, c'est mortel pour mes oreilles ». Mais bon, quand même. Donc, 4D, parlons un petit peu de ce projet, de cet homme derrière ça. Donc, c'est le deuxième album de 4D, L'Équanimité. 4D, c'est le projet et l'univers d'un seul homme, Dominique Larrault. Cet enseignant, illustrateur, peintre, musicien, bref, cet artiste multidisciplinaire s'est exilé au Nunavik il y a quelques années maintenant. Dans l'isolement du Grand Nord québécois, il compose, écrit, réalise et mixe sa musique, seul, n'ayant recours qu'à très peu de collaborateurs. Éloignement oblige. Dominique Larrault s'est tourné vers la musique par nécessité et sa recherche musicale le mène dans une direction qu'il n'a pas prédéterminée. De son propre aveu, il affirme « Je compose comme un entomologiste cherche, en forêt, des insectes qu'il ne connaît pas, des insectes nouveaux, rares, magnifiques et peut-être même avec des vertus pour la guérison. » Le premier effort, 4D et le prince Louvec, cruellement passé sous les radars des grands médias malgré l'engouement des radios universitaires, dont C'est fou, et les éloges de certains critiques, donnaient le ton. Presque complètement créé en solitaire avec comme principal instrument un ordinateur et ses logiciels, l'album empruntait des sonorités plutôt rugueuses et synthétiques. Délicieusement dérangeant, le mélange des voix enfantines couplé à la dissonance cauchemardesque des arrangements électroniques ainsi que les textes et les thèmes à la fois extrêmement violents et naïfs laissaient présager l'arrivée d'un artiste de la chanson comme il ne s'en trouve presque pas. Une perle rare perdue loin dans le Grand Nord. Ça, c'est selon le document de presse envoyé par l'étiquette qui est un disque fruit. Donc, équanimité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un terme bouddhiste signifiant égalité d'âme, d'humeur, détachement et sérénité. Alors que le disque « Et le prince Louvec » sonnait comme une incursion dans l'inconscient d'une enfance perturbée, l'équanimité semble pour sa part être la suite logique et la dissection de l'adolescence et du début de l'âge adulte, une période où les difficultés et les déceptions mettent à l'épreuve la capacité de résilience de l'individu. Davantage construit autour des guitares électriques et de la batterie, ce nouvel effort n'en est pas plus conventionnel pour autant. Dense et chargé, utilisant une palette éclectique d'influences en passant de chants de gorge inuit à un punk rock décousu et aride, effet de renversement, texture sonore chimique et batterie syncopée donne à l'équanimité un air de tempête. 2 années d'enseignement à Pouvernitsuk, puis à Inukjuak, l'ont vu côtoyer quotidiennement les réalités vécues par les membres de la communauté Inuit. Leurs difficultés, mais aussi leur courage, ont résonné chez Larrou, qui en a tiré des textes rudes et imagés, où abondent les thèmes du doute, des apparences, de la violence et de la mort. Des thèmes sombres sans être fatalistes, où la lueur d'espoir annoncée par le titre de l'album se pointe discrètement le bout du nez, fidèle à l'esprit du projet 4T. Le nouvel album est en vente depuis le 1er janvier dernier. Il faut visiter la page web de Fruits pour plus de détails. Ça, c'est le disquefruits.com ou myspace.com/disquefruits. Si vous voulez aller voir l'artiste sur le web, c'est plus facile. C'est 11h11.com, hein, 11h11.com/4D ou encore le myspace.com/je-n'existe-pas. Donc, l'album de 4D s'appelle L'équanimité. On change d'artiste pour aller vers du canadien, un autre style. L'album s'appelle Painting Fears. Ça vient de la formation Pastel. Et on s'en va entendre tout de suite la pièce-titre au poste d'écoute. L'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous au 89.1 FM. Well, I get angry when the sky gray. So don't ask me for any favors today, 'cause I'll wear that moody face all day long. You never knew I was so childish, but I do. Do you think you made a good deal? You will learn I'm not easy to live with. Do you think you made a good deal? You will learn, you will learn. With one glass of wine, I'm already drunk, and I could pass 2 hours and a half just singing in my. Never come back. that you live every day is okay, but you throw it all away. That you feel the quicksands shivering under your toes. I don't think you get a chance to get better. You won't lose anything. Did you take a walk in the future? So please mind again. So please mind again. So please mind again. Please mind again. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you gotta go. You gotta go. Don't screw it up, live your life. They try to tell you as they know your destiny. You walk on a dark sea, drowning in your fears. Trois premières pièces du nouvel album de Pastel, Painting Fears. On a entendu la pièce titre, ensuite Mind the Gap, et ça c'était Acoustic Dreams. Donc Pastel, jeune auteur-compositrice Pastel. Et là, le document de presse dit « Oui, c'est son vrai nom ». C'est possiblement l'une des artistes les plus surprenantes de la rentrée culturelle, dit-il. Elle propose à 22 ans seulement une collection de chansons folk-pop finement ciselées et d'une étonnante efficacité avec Painting Fears. Enregistrée à Montréal, au studio Victor, et à Los Angeles, au studio Sound City, le studio mythique où ont déjà enregistré les Beatles et Nirvana, la jeune auteure-compositrice-interprète originaire de Mont-Tremblant s'est entourée d'une équipe de musiciens talentueux et expérimentés pour réaliser les 10 chansons de l'album. Éric Boudreau à la batterie, Scott Feldman, Jean-François Goyette et Roman Moretti aux guitares acoustiques, Jean-François Langevin, Jean-David Lévesque, Pascal Bédard et Jeff Enford à la basse, Scott Feldman et Gilbert Krauss au piano et Ariane Ouellette au violon ont tous contribué à Painting Fears. Le lancement va être le 4 février à 17h au Vert Bouteille sur Mont-Royal Est. Pastel. Entame par la suite une série de concerts intimes au Québec et en Ontario. Vous pouvez aller voir plus de détails sur Pastel au myspace.com/pastelmusique. Ça nous dit là-dessus que l'album sort le 5 février. Il va être en spectacle à Trois-Rivières. Oui. Le 2 février à 21h au bar Le Zénob. Pastel. myspace.com/pastelmusique. Musique en français. Pastel, comme on le croyait. P-A-S-T-E-L. Comme partout. Comme on le voit partout. Donc, Pastel, l'album Painting Fears. J'ai bien aimé. Artiste montréalaise, c'est toujours bien à entendre. On passe à un autre album, cette fois-ci en francophone. C'est celui de Bruyère et Dallaire. Deux gosses essayent. Première tentative, volume 1. Et j'aime beaucoup la pochette. À l'avant, il y a une clôture. Et dessus, une affiche qui dit « Deux gosses essayent ». C'est marqué 20$. Après ça, c'est barré. C'est marqué 10$. Là, c'est barré encore. Ça dit « Gratuit ». C'est encore barré. Puis là, c'est marqué « Annulé ». Devenir des vedettes, c'est ce qui résume assez bien le bilan de carrière de Deux gosses essayent. Nom d'emprunt de Yann et Martin, un duo de chanteurs au talent discutable. Ouais, ça, c'est eux qui disent ça sur leur CD. Pour arriver à leur fin, tous les moyens sont bons. Prendre de force la place du chanteur de l'hymne national, partir chanter en Afghanistan ou se marier gaiement pour toucher un gros héritage ne sont que quelques exemples de leurs exploits pour tenter d'atteindre les plus hauts paliers du show business. Suivez leurs aventures à travers 13 épisodes de Farfelu et 5 chansons originales et soyez aux premières loges pour assister à leur réussite ou leur échec. On commence par la pièce Aval Life, mais c'est précédé du de l'épisode numéro 1 de leur aventure. Loser Academy, ça se passe maintenant à l'intérieur du poste d'écoute au 89.fm. Deux gosses essayent. Épisode 1. Voyons, maudite manette de télévision, pas moyen de changer de poste sans se lever. Martin, viens nous ici. Hey Yann, on a encore reçu un bill de déconnexion de l'hydro. Ils vont nous couper l'électricité. Ben, au moins, j'aurais plus besoin de me lever pour changer de poste. Là, il faut trouver une façon de faire de l'argent, puis vite. À moins qu'on fasse un deuxième album, ça fait longtemps que je t'en parle. Hey, faire de l'argent, j'ai dit. Avec le premier, on a perdu 3 000. Ah, mais le premier, là, c'est normal que personne l'a acheté. On n'était pas connus. Ben là, on n'est pas plus connus maintenant. Ben, c'est justement ça le problème. Mais là, j'ai un plan. On a juste à devenir des chanteurs super populaires, puis nos albums vont se vendre comme des petits pains chauds, tu sais. Alors, regarde Okoumé. Eux autres, c'est normal que ça se soit vendu comme des petits pains chauds. C'est des petits pains chauds. Bon, la question est pas là. Alors, je sais bien, mais comment est-ce qu'on fait pour devenir super populaire, comme tu dis? Je sais pas, là, mais en attendant, change de poste. Vous êtes tanné d'être pêcheur puis que ça monte pas? Faites comme Wilfred et devenez une vedette pour au moins 6 mois en participant à Star Academy. Des auditions auront lieu demain dans votre région. Voici un commentaire de Denise Filiatro. Hey, pense-tu à ce que je pense? Hey, mais hein, faut-tu être mal pris pour aller là? Faites rentrer deux gays s'essuient. Excuse, ces deux gosses s'essayent. Ben, je pense que je suis nerveux. Ben, fais comme quand on pratiquait dans notre salon, puis tout va bien aller. Ben, tu veux dire que je peux faire l'audition en bobette? Qu'est-ce que vous allez interpréter? Juste un instant, s'il vous plaît. Quoi, vous le savez pas par cœur? Non, attendez, je cherche le mot « interpréter » dans le dictionnaire. Ça veut dire « chanter ». Ah, en passant, je m'appelle Martin et je suis en interprété de vous rencontrer. On va vous chanter une chanson de Pink Floyd qu'on a traduite en français. I wish they were here. C'est I wish you were here. Je le sais, mais je veux dire I wish Pink Floyd were here pour la chanter avec nous autres, tu sais. C'est une chanson qui est de quelle durée? Oh, on sait pas vraiment. On n'a jamais réussi à pratiquer jusqu'à la fin. On n'arrêtait pas de se faire déranger par la police. Ils vont trouver ça moins drôle quand on va être des grandes vedettes puis qu'on va compter ça à John Lennon. Alors, allez-y. Ah, je souhaite que tu sois ici. On est deux hommes perdus qui nagent dans un aquarium, année après année, courant sur le même vieux sol. Qu'est-ce qu'on trouve? Les mêmes vieilles peurs. Ben moi, je pense que ça a bien été. Écoute, la juge a dit mot pour mot. J'ai jamais vu une telle performance. Elle nous a même comparé à Michel Louvain. Hey, c'est dans la poche. Ouais, Michel Louvain, c'est dans le poche. Assez merci. Assez merci. La juge des auditions aussi utilisait ça comme expression. Ouais, c'est juste plate qu'elle l'a utilisé dans le milieu de notre chanson. Ben, du talent comme le nôtre, t'sais, ça se voit tout de suite. Surtout, eux autres, c'est des pros. On n'a pas besoin d'écouter la chanson jusqu'à la fin. Hey Yann, on a reçu une lettre de Star Academy. Déjà? Hey, je te l'ai dit, c'est des pros, ça. Hey, eux autres, ils savent de quoi qu'ils parlent, hein? Je te l'ai dit, ils connaissent ça, l'industrie de la musique. Nous avons l'honneur de vous aviser des gagnants de l'audition dans votre région. Ah, mais Ils ont fait une faute en écrivant « Deux gosses essayent ». Comment qu'ils l'ont écrit? C-L-A-R-K-C-L-A-R-K-S-O-N. Hey, ça fait pas « Deux gosses essayent », pas en tout, ça. Ça fait Clark Clarkson. Ça, là, c'est le nom du gars qui est passé avant nous autres dans l'audition. Ben, je sais bien, ils sont mêlés. Star Academy, ils connaissent rien pantoute à l'industrie de la musique, de toute façon. Non, moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'eux autres pour percer. Peut-être, mais on a besoin d'électricité. Puis là, on va se faire couper. Ah, patience, mon ami. Un jour, on va être riche et célèbre, puis on va l'acheter, la compagnie d'électricité. Ouais, mais en attendant, s'ils nous coupent, là, comment est-ce qu'on va faire pour enregistrer notre album? Ben, on aura juste à faire un album unplugged. Vous cherchez l'âme sœur? Voici un profil Aval Life. Bonjour, mon nom est Sylvain, j'ai 34 ans et toutes mes dents sur mon dentier. Comme vous le voyez, mesdames, j'ai un grand sens de l'humour. Je n'ai pas peur de me ridiculiser pour faire rire les autres. Malgré ce handicap, je suis parfois en mesure d'avoir l'air intelligent quand je mets des lunettes. J'avais des cheveux qui étaient bruns avant de tomber et des dents qui étaient blanches avant de me les faire arracher. Grand amant de la nature, mon métier d'éboueur me permet de contempler plusieurs animaux. Mes préférés sont les mouettes et les mouffettes. J'aime beaucoup les activités en famille. Tous les dimanches, je jockey avec ma mère et ses amis et il reste une place dans l'équipe si jamais ça t'intéresse. Deux gosses essayent. Épisode 2. À moins qu'on change de nom. Ben, moi, deux gosses essayent, je trouve que ça sonne bien pour un duo de chanteurs. Oui, mais j'ai pensé, écoute bien ça, les deux accords. Les deux accords? Non, mais quand tu y penses, là, presque toutes nos chansons sont faites avec deux accords. Ben, peut-être, mais là, tu trouves pas que ça ressemble trop au groupe... Les Cowboys fringants? Ouais, c'est ça. Non, moi, je pense que si on veut vraiment devenir des vedettes, là, puis vendre des millions d'albums, il faut passer à la radio. Ah oui, moi, j'ai appelé à Radio Énergie, puis ils veulent rien savoir de nous faire jouer. Je suis même allé porter un pot de vin au directeur de la programmation. T'aurais été bien mieux d'apporter une bouteille. Hey, as-tu pensé à la première chaîne de Radio-Canada? Ben là, faudrait pas descendre trop bas quand même. À moins qu'on parte notre propre station de radio, puis qu'on fasse jouer toutes nos tunes. On a juste trois. Ben, on a juste à les faire jouer en boucle, hein. Il paraît que plus t'écoutes une chanson, plus tu l'aimes. Hey, vite, fais-moi écouter de Céline Dion en boucle, j'étais assez tanné d'haïr ça. Je me sens pas très confortable sur le toit de la maison. Bon, selon mes calculs, là, avec cette antenne-là pis deux micro-ondes, on est capable d'émettre à 1 km à la ronde. Hey, ça veut dire 58 maisons. Hey, pis attends que tout le monde en parle dans le quartier. Hey, on devrait même faire de la pub. Hey, j'ai une idée pour faire de la pub, moi. Oyez, oyez, venez écouter la radio Deux Gosses Essayent avec Deux Gosses Essayent. Où t'as pris ton mégaphone? À mon oncle. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'enregistrer dans la salle de bain? Mais parce que le son est bien meilleur. T'as jamais remarqué que quand tu chantes dans la douche, ça sonne mieux? Bon, OK, on rentre en onde, là. Puis oublie pas, il faut avoir l'air de grande vedette. Alors, bienvenue à la radio Deux Gars S'essayent, la radio Energy. Je m'appelle Martin de Deux Gars S'essayent et comme invité cette semaine, j'ai l'honneur d'avoir Yann de Deux Gars S'essayent. Yann, pourquoi Deux Gars S'essayent? Ah, c'est une bonne question, Martin. C'est drôle parce que quand on a choisi le nom, on était avec Céline Dion, puis là, René a dit quelque chose, puis on a tellement ri. OK, parlez-moi de vos chansons. Là. Ah, elles sont toutes très bonnes. Justement, Benoît m'a appelé pour me féliciter hier. OK, Benoît qui? Benoît 16. Ram 16. C'est quoi ça? Je sais pas, on dirait qu'on capte un appel de téléphone dans notre radio. Allô Bob, c'est John. Ouais, écoute-moi bien, là, puis répète pas ça à personne. La marchandise volée dans un truck de lait, là, en face du 424 rue du Parc. Hey, 424 du Parc, c'est chez nous, ça? Va chauffer le truck, il y a 500 000 de stock là-dedans. Bye. Hey, qu'est-ce que tu fais, là? Je t'envoie par la fenêtre. Hey Yann, il y a effectivement un truc de lait en face de chez nous. Hey, ça, c'est notre chance de devenir riche. Ouais, hey, il me semble qu'on apprend ça jeune de pas se mêler des affaires des Hells Angels. Hey, j'appelle la police. On va avoir une récompense pour ça, c'est sûr. Je sais pas si ça me tente d'essayer ça, moi, des bottes en ciment. Première page du journal, hein? Regarde ça. Deux gosses essayent, découvrent le complot des libéraux et empêchent un vol de 500 000 $. Tu voulais avoir la gloire, ben là, tu l'as, mon ami. Ouais, qui c'est qui aurait dit que le Parti libéral aurait contribué à nous faire connaître? Non, mais je te l'avais déjà dit, moi, que la politique, c'était pas complètement de la marde. On a fait 500$ avec la récompense. Ouais, mais c'est juste plate que ça a servi à payer l'amende pour avoir fait de la radio clandestine. Hein, ça commence. Ça, c'est sûrement un producteur qui nous a découvert avec le journal. Deux gosses essayent bonjour. OK. Ben, de rien. Bye. C'était qui, ça? C'était le Parti conservateur. Il voulait nous remercier de les avoir aidés en nuisant aux libéraux. Tu veux dire qu'on a aidé le Parti conservateur? Ben, ça a l'air. Ça y est, J'ai mal au cœur. Hey Yann, on vient juste d'avoir une mise en demeure de Jerry Seinfeld. Hey, il dit qu'il veut plus qu'on utilise son jingle de bass dans nos sketchs. Ah ouais, hein? De toute façon, c'est qui ça, Seinfeld? Ben voyons, c'est le gros chat jaune orange qui mange toujours de la lasagne. Ah oh, ouais, lui. Je savais, c'était le commentaire que j'allais faire. Ça fait très Seinfeld, les petites choses de base entre. D'autres gens m'ont dit que ça faisait un petit peu François Pérus, c'est vrai. Au moins, ils le savent, les gars, que c'est pas très bon ce qu'ils font, j'imagine. Ça dit deux gars s'essayent, puis ça marche pas sur leur document de presse. On va lire un peu quand même si je n'ai pas trouvé ça très, très drôle. Le duo deux gars s'essayent a présenté son tout nouveau spectacle la semaine dernière. Je dois dire que leur performance n'a déçu personne, puisque le spectacle a été annulé à la dernière minute, faute de billets vendus. Très bon. Ce n'est pas la première fois que le duo annule un spectacle. En fait, c'est arrivé chaque fois, ou presque. Le moins qu'on puisse dire, c'est que deux gosses essayent sont hantés par l'échec, dit le document de presse. On n'a qu'à penser à leur performance au St. Pete Times Forum de Tampa Bay l'hiver dernier, lorsqu'ils ont tenté d'interpréter l'hymne national avant la partie du Lightning contre les Canadiens de Montréal. Ils ont été évincés par les huées des spectateurs qui n'en pouvaient plus. Au début de l'automne 2006, ils sont allés chanter en Afghanistan pour les réfugiés. Les ravisseurs les ont enlevés pour les relâcher sitôt, sans même que le Canada n'ait à lever le petit doigt. Les preneurs d'otages ont déclaré « Ils chantaient tout le temps, puis on n'était plus capables ». Leur carrière ne fait que commencer et déjà on sent la fin. Peut-être qu'un jour, quelques chansons de ce triste et célèbre duo passeront à l'histoire, mais encore faudrait-il pouvoir les entendre. OK, donc deux gars s'essayent, c'est au www.deuxgars.com. Ça dit que l'album intitulé Première tentative est une toute première comédie de situation audio qui voit le jour. Martin Bruyère et Yann Dallaire sont les concepteurs et réalisateurs de ce tout nouveau concept original. Cet album présente deux personnages, Yann et Martin, des chanteurs sans talent qui tentent par tous les moyens de devenir des vedettes de la chanson. À travers 13 épisodes, nous pouvons suivre les premières tentatives de ce duo vers la gloire. Chaque épisode est accompagné d'une bande dessinée qui représente une partie de l'histoire. Ah, j'avais pas vu ça, je pourrais regarder ça. Une petite bande dessinée dans le boîtier, ça a l'air tellement beau, je suis sûr que ça ressemble à pas grand-chose. Hein, c'est ça. Ça fait ça faire rire un peu, mais bon. J'étais en train de dire que chaque épisode est accompagné d'une bande dessinée qui représente une partie de l'histoire. Yann et Martin, les personnages sont inspirés des premiers pas en humour de Bruyère et Dallaire dans la vraie vie, et aussi de tous les groupes de musique qui tentent de percer. Le vrai duo s'est formé en 2003 pour l'animation d'une émission hebdomadaire radiophonique humoristique pendant 2 ans. Par la suite, ils parcourent le pays et présentent une centaine de spectacles. Ils participent au Winnipeg Comedy Festival à plusieurs reprises et sont retenus parmi une centaine de finalistes pour participer aux auditions du festival pour rire à Montréal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été choisis, j'imagine. Plusieurs de leurs sketchs sont aussi présentés à la télé de Radio-Canada. En 2005, ils lancent leur premier album intitulé L'Album Brun, une collection de sketchs et parodies qu'ils avaient présentées à leur défunte émission de radio. Avec ce deuxième album, Bruyère et Dallaire tentent de séparer le vrai du faux et nous plongent dans un univers bien à eux. On peut également suivre la suite des épisodes de l'album au deuxgars.com. Ces épisodes sont diffusés chaque semaine dans une vingtaine de stations de radio à travers le Canada. Donc, deux gars s'essayent, deuxgars.com. Leur album, c'est Bruyère, Dallaire, deux gars s'essayent, première tentative, volume 1. J'imagine qu'après quelques écoutes et l'écoute de l'album au complet, au moins, peut-être que je trouverais ça drôle. Il y avait des bouts drôles, là. Je veux pas dire que c'est mauvais, pas du tout, là, mais bon. Pas mon genre du mot. On passe à Matt Costa, un album anglophone alternatif. L'album s'appelle Unfamiliar Faces et on commence par la pièce Mr. Pitiful. Et ça, à ce qui paraît que c'est bien bon. Ça fera changer un peu. Mr. Pitiful. Oh, Mr. Pit, oh, Mr. Pit, Mr. Pitiful, who let you down? Who let you down? Who let you down? See you. was up all night thinking about you. Dreamed I choked on your kaleidoscope, now you still look deadly. My fatal flower, how the tigers all laughed as I ran along the well-worn path. Sapphire eye looks down on my lilacs, down on my lilacs, down on my lilacs, down on me, down on me. Insincere as we rolled for years in turning barrels, I wash my hands in the lake. So take your fever, let me wallow alone. The callus on your eyes have grown. Sapphire eye looks down on my lilacs, down on my lilacs, down on my lilacs, down on me, down on me, down on me. Have me stoned, paying rent to your ghost, torn up by a frightened little girl. I thought that you were right, so I was up all night thinking about you. I thought you were right. With bees, you flew above me. Figure it all out. I think you've had enough time. I've had long enough to change my mind. Sapphire. Have me stoned, paying rent to your ghost, torn up by frightened little girl. I thought that you were right, and I was up all night thinking about you. You were right, so I was up all night thinking about you. Matt Costa, les deux premières pièces de l'album Unfamiliar Faces. On a commencé par Mr. Pitiful et ça, c'était Lilacs. Tantôt, on va entendre Never Looking Back, mais avant, donc Matt Costa, artiste de Huntington Beach en Californie, est en spectacle un petit peu partout aux États-Unis. Il va être à Montréal au National le 28 février à 20h. Si vous voulez plus d'informations sur Matt Costa, rendez-vous sur le mattcosta.com, matt2tcosta.com ou encore le myspace.com/mattcostamusic. Il fait dans l'indie folk. Matt Costa, voix, guitare, harmonica, clavier. Il y a aussi Mitchell Townsend, Jacob Sahagin, Harris Pittman et James Fletcher qui jouent avec lui. Il y a un vidéoclip pour Mr. Pitiful sur le MySpace. Petit résumé de ce qui a joué dans la première heure du poste d'écoute. On a commencé par l'album de 4D qui s'appelle L'Équanimité. Ça, j'ai vraiment adoré. J'ai mis un beau petit cœur sur ma feuille. C'est vraiment cute. Ça va peut-être être le coureur de la semaine, l'album de la semaine, comme vous voulez. Pastel, qu'on a entendu de Montréal, une fille qui s'appelle Pastel, Painting Fear, c'est le nom de l'album. Deux gosses essayent, Brouillard d'air, première tentative, volume 1. Et on termine par une troisième pièce de Matt Costa. Voici tout de suite Never Looking Back dans le poste d'écoute. Et restez là, la deuxième heure son. Bien. Yeah. come on wheels, take me far away, where I don't have debts to pay. I can't count on yesterday to find my way home. They don't have my back, so I'm never looking back. Plumes of smoke rise high above, burn bridges lost in love. Guess it's all because they found a talk behind my back, so I'm never looking talk behind my back, so I'm never looking back, looking back. Got the remedy for me. But doctor, doctor, can't get no relief. And this losing sleep is misery. Well, call me the doctor and give me the cure. Easy upset, I'm an open sore. I don't wanna be sick no more. Glass. Mama, don't you break it. I knew that I made a mistake when I let you take it. Now this pain is only for you. I need your medicine to soothe. Creams and pills, they got nothing on you. But call me the doctor and give me the cure. Come back, mama, I'm feeling withdrawn. Please take my emergency call. And how long must I wait? Held up in depression. I tried to erase my past to make a good impression, but my broken heart's lost the tune. And only shattered mirrors fill my room. Fell for you and only got me down. But doctor, doctor, come give me the cure. Easy obsess under the open sun. Losing sleep is misery. Won't you come and rescue me? Doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor. C'est la deuxième heure du poste d'écoute, l'émission qui écoute les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. C'est ce qu'on fait à chaque semaine, on reçoit des caisses de nouveautés, on les écoute. On est comme un filtre de piscine, des fois tu ramasses des feuilles comme deux gosses essayent, non j'en reparlerai pas. On écoute tout de suite Claire Diterzi, l'album c'est Tableau de chasse et à l'instant même voici l'Odalisque dans un poste d'écoute au 89.1 FM dans vos oreilles. Ta voix de velours, je m'incline et j'y obéirai. Telle une pompe à lourd, en farine et rococo paré. Des plus beaux atours, à tes pieds je me jetterai. Vois comme je me couche, au sein de tes bras alanguis. Rien ne m'effarouche, je suis ta diva, ton odalisque. À tes forteresses, en amour et je m'abandonne. Pour l'éternité, je suis ta nana et ta madone. Tes pieds, mon amour, à velours enfariné, rococo paré, des plus beaux atours. À tes pieds, je me jetterai, moi, comme je me couche au sein de tes bras alanguis. Rien ne m'effarouche, je suis ta diva, ton mandalis. À tes forteresses, en amour et j'en m'abandonne pour l'éternité. Je suis ta nana et ta madone. Le mal de tête vient d'embarquer soudainement, je sais pas. Claire Duterzi avec Tableau de chasse. La pièce s'appelle L'Odalisque. J'ai envie de donner une deuxième chance, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment pas aimé Claire Duterzi. Vraiment pas. MySpace.com/Duterzi, D-I-T-E-R-Z-I. C'est son site. C'est elle qui fait le texte, la musique, les voix, les chœurs, les instruments. C'est elle qui m'a donné le mal de tête, en fait. Elle va être en spectacle un petit peu partout en France. Je vois pas de date au Québec pour l'instant. Renseignez-vous sur le MySpace. Comme je disais, une deuxième chance avec la pièce Tableau de chasse, la pièce titre. Et si j'aime, si c'est moins pire que la première pièce, je vais en mettre une troisième. Sinon, ben, à tantôt. Claire Duterzi, hein? Dans le poste d'écoute, l'émission qui écoute tout. C'est tout. J'aime ça quand les gens m'appellent pour me dire qu'ils aiment pas ça, des tunes. Hein? Manon m'a appelé pour me dire « Je suis en train de conduire, il y a de la neige, là, puis ça me déconcentre, j'aime vraiment pas ça, c'est trop mauvais. » Je suis tellement d'accord avec elle et j'aime ça quand les gens font ça. Donc, Tableau de chasse, c'est le nom de l'album. Claire Duterzi est l'artiste. Tableau de chasse, c'était aussi la pièce. Je vous rappelle l'adresse si ça vous intéresse. Allez voir le myspace.com/Duterzi. Et là, on va passer à quelque chose de complètement différent, pourquoi pas. On va aller entendre un petit peu de jazz. Tiens, en conduisant, je pense que du jazz, ça pourrait être bon. Hein? Ça, tu sais, c'est relax, t'avances, tu sais, la tête un petit peu, t'es vidé. Hein? Bon, on va entendre donc Gerald Dubik Quartet. L'album, c'est The Way You See It. Et tout de suite, voici Spenny Loses Again. Au poste d'écoute, au 89 FM, dans vos oreilles. bien un band avec un nom de vieil appareil des années 80-90. Gérol, du Bic Quartet. L'album, c'est The Way You See It. On a entendu la pièce titre et juste avant, c'était Spenny Loses Again. Je me demandais en studio si c'était un hommage à Kenny vs. Spenny, la version originale de Frank vs. Girard. Peut-être, parce que Spenny, c'est pas un nom très, très commun. Mais bon, on sait pas. Je lance ça comme ça. Gérol, du Bic Quartet. Très bon petit groupe de jazz. Et puis, je regardais si on n'aurait pas des informations sur eux, mais bon, au pire, je le ferai plus tard. On va passer à un album qu'on a reçu de Annick Jean. Oui, Annick Jean qui joue partout, mais bon, quand même, on va écouter une pièce de l'album Le ciel saigne le martyr. Et tout de suite, voici Thorazine. Dans le poste d'écoute au 89.5. Cherché si longtemps, je savais qu'un jour je te trouverais pourtant. Au fond du couloir, tout était noir et troublant. Tes yeux m'ont pu monter dans le regard. Tu just get retour, une autre pièce d'Annick Jean dans le poste d'écoute au 89.fm. Oh, oh, oh, c'est drôle, vous synthonisez le poste d'écoute, mais le poste d'écoute est brisé, il veut pas que je joue la pièce « Oh mon chéri ». C'est bizarre, ça. C'est peut-être parce qu'elle joue ailleurs. Hein? On va aller entendre la pièce « Bush » à la place de l'album « Le ciel saigne le martyr » d'Annick Jean tout de suite dans le poste d'écoute. Pièce qui ouvre le nouvel album d'Annick Jean, Le ciel saigne le martyr. On a commencé par Thorazine. Ensuite, la machine, le poste d'écoute, ne nous a pas laissé, malheureusement, jouer la pièce au Mon Chéri. C'est dommage. Hein? Donc, on vient d'entendre Bush, la troisième pièce de l'album. Annick Jean, artiste montréalaise, vous la connaissez certainement. Elle fait du rock pop alternatif, un petit peu plus pop dans cet album que le précédent, le Trashy Saloon, qui était, comme le nom l'indique, un petit peu plus trash. Donc, Annick Jean et ses boys, Johnny Flash à la guitare, Guillaume Doiron à la guitare, Alec McElkeren à la basse, Sam Harrison à la batterie, Steph Gaudreau à la batterie et Julien Blais aussi à la batterie. C'est Annick Jean et l'album, je le répète, c'est Le ciel saigne le martyr. Son site, myspace.com/AnnickJean ou AnnickJean.com. Annick, c'est A-N-I-K. Voilà. On passe maintenant à... Oh, j'aime ça faire ça une fois de temps en temps, notre célèbre combat poste à poste. Et donc, une fois de temps en temps, on prend deux albums qui ont une similarité ou un thème en commun. Cette fois-ci, on prend Bonaventure et Aiden, Bonaventure si on veut. Leur album s'appelle Lost in a Crowd, perdu dans une foule. Et l'autre de Aiden s'appelle In Field and Town, hein? En ville, foule, ville. On se comprend-tu? C'est ça le thème qu'on a choisi cette semaine. Bonaventure qui est un hippie de seulement 6 pièces. Aiden, album complet de 11 pièces. On va commencer par Bonaventure. De l'album Lost in a Crowd, voici Please Come Back. Et combat poste à poste, et on fait s'affronter deux disques. On va voir lequel gagne le droit de jouer une deuxième pièce et une troisième. C'est ce qu'on fait. Il peut y avoir un ex-écho aussi, ça peut arriver. Vous écoutez le poste d'écoute au 89.fm. Bonne aventure avec Please Come Back de leur album Lost in a Crowd en plein milieu du bloc post-à-post. Et là, je me rends compte que notre concours est vraiment pas très juste pour Bonne Aventure parce que je viens de voir sur leur MySpace que c'est un groupe de Trois-Rivières. Donc, ça fait automatiquement deux des gagnants, ça n'est-ce pas? Parce qu'on veut en jouer beaucoup plus de Bonne Aventure vu qu'ils sont de Trois-Rivières. Et aussi parce que c'est bon, évidemment, mais Trois-Rivières font encourager la relève locale. Donc, ça va être un match nul déjà déclaré d'avance. On va entendre une pièce de Hayden. On reviendra à Bonne Aventure. On repassera à Hayden. On va faire un petit mini-mélo de bonne musique, comme ça, Hayden, artiste de l'Ontario. On parlera des deux artistes plus tard. Pour l'instant, Hayden avec Infield and Town, la pièce titre de son nouvel album. Ça se passe maintenant dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés en même temps que vous pour la première fois au 89.fm. Take it easy, it's what we need to do right now. Cruel and weary, but just some words that use for how. I see us around this uptight town, with emptiness just to weighing us down. But we think of leaving out of the rough, into the slow. Clouds let go, the sun and show, the city light to cough and close. And now you know how we feel. We're like spokes in a wheel of a bike in some field. With no sense of what's right or wrong. Take it easy, it's what we need. Do right now, cool and breezy. Not the words that use for how. I see us around this uptight town. The electronics swing us down. And now you know how we feel. Like spokes in a wheel. A bite in some field. Oh, we are riding along through the streets before dawn, with no sense of what's right. Vous êtes en plein milieu du bloc poste à poste. On fait s'affronter deux disques, deux groupes. Et là, on a déjà déclaré que la partie est nulle parce que Bonne Aventure vient de Trois-Rivières. On n'a pas le choix. C'est eux les gagnants. En fait, non, c'est pas les gagnants parce que je viens de dire que c'était nul. Donc, là, on vient d'entendre Hayden avec l'album Infield and Town et la pièce titre. On s'en va entendre une deuxième pièce de Bonne Aventure. Leur album, c'est Lost in a Crowd. Et voici Wake Up tout de suite dans le poste d'écoute au 89.1. How could a blind man lead you with his eyes? I woke you up, but it was dark. I couldn't see at all. How could a blind man lead you with his eyes? The truth was lost when you awoke. I'm left standing still. heaven. The bright skies, eternal sunrise. It's a beautiful world we live in, where the grass is greener on the other side. It's a beautiful world we live in. The bright skies, eternal sunrise. It's a beautiful world we live in, where the grass is greener on the other side. Live a comfy life within our self-made prison doors. The discourse of our isolation spreads beyond our shores. For some it's just a wishful thought, for others it's a choice. Will you react or react to all this outside inside le poste d'écoute. Et ça, ben, c'était notre combat poste à poste. En fait, on est en plein milieu de ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on affronte deux disques ensemble. Bonaventure avec Lost in the Crowd et Aiden avec Infield and Town. On fait un mini-mélo parce que la partie est nulle. On a déclaré que Bonaventure, c'est Trois-Rivières. Donc, c'est une partie nulle. On peut pas les faire gagner parce que Aiden, je sais pas si je penserais un petit peu vers Aiden, mais quand même. Donc, on a entendu pour commencer la pièce Please Come Back de Bonaventure. Ensuite, la pièce Infield and Town de Aiden. Wake Up de Bonaventure. More Than Alive d'Aiden. On retourne à Bonaventure. Hein? Ça fait gauche-droite, c'est un petit peu mêlant. Voici leur pièce titre Lost in a Crowd maintenant. Et après ça, ben, on reviendra seulement à Bonaventure et on leur fera jouer une autre petite pièce pour terminer ce super bloc poste à poste dans le poste d'écoute. Émission qui découvre les nouveautés en même temps que vous pour la première fois. Assez fou dans vos oreilles. One night in a city, I lose my train of thoughts. The crash of sounds I nearly silence all my doubts. It's hard to close your eyes the first time you see thousands pass you by. It's hard to close your eyes thousands pass the first time you thousands see pass you thousands pass you by. Bye. Bonne aventure avec la pièce titre de leur EP Lost in a Crowd dans le poste d'écoute. Et ça, Bonne Aventure, c'est un groupe de Trois-Rivières, un groupe rock alternatif qui se dit aussi Christian. Je sais pas pourquoi. Donc, allez voir le myspace.com/Bonne Aventure si vous voulez plus d'informations. Un groupe qui s'est formé il y a 10 ans dans un sous-sol. Voilà, c'est là que Bonne Aventure a commencé avec Jimmy, Nathanael et Jonathan qui vivaient dans une région du nord du Québec. Et leur texte de biographie est en anglais seulement. Donc, ils ont pas l'air de trop s'afficher en tant que groupe de Trois-Rivières. En tout cas, à ce que je vois selon leur CD, leur MySpace, c'est pas vraiment évident. Bonne aventure. Donc, les voilà avec leur EP, leur maxi Lost in a Crowd. Dans cette deuxième heure du poste d'écoute, on a entendu beaucoup, beaucoup de choses, vraiment. Claire Diterzi, on a commencé par ça. Et ça, ben, l'album s'appelle Le Tableau de chasse. Ensuite, on a entendu Gérald Dubic Quartet avec leur album The Way You See It. Ça, c'est du jazz. On a aussi entendu dans cette deuxième heure Aiden avec Infield and Town dans le bloc Poste à Poste. Et puis, ben, la partie était nulle, si on veut, mais comme c'est un groupe de Trois-Rivières, Bonne Aventure, l'album Lost in a Crowd. C'est pas gagnant, mais c'est une partie nulle. Faut juste le répéter comme ça. On va terminer cette deuxième heure par une autre pièce d'eux-mêmes. Bonne Aventure, voici Fall. Et puis, on se retrouve dans la troisième avec, entre autres, du Latin Reggae de Putumayo et aussi du Annick Granger et... L'album pas mal top de la semaine, là, la grosse affaire, c'est le nouvel album de The Mars Volta, tout ça dans la troisième heure du poste d'écoute au 89.1 FM. C'est dans vos oreilles, ça, et sur cifou.ca, hein, cifou.ca. You said no on a cloudy fall afternoon, now I don't know what to say. When you looked at me with those deep brown eyes, now we're going our own way. Can't you see that we're broken now? Can't you see that we're broken now? We will meet once again in a crowded room, and we'll share a few kind words, but your smile will disarm me. I'll stand there alone and I won't know who to be. Can't you see that we're breaking down? Can't you see that we're broken now? Can't you see that we're broken now? Can't you see that we're broken now? Time seems to be running away and the days are shorter now. All our memories drifting away like autumn's falling leaves. We have grown so far apart. Don't you cry, my sweet, sweet heart. You said no on a cloudy fall afternoon. Now I don't know what to say. When you looked at me with those deep brown eyes, now we're going our own way. Can't you see that we're broken now? Can't you see that we're breaking? Tried to hide, and for so long I had my handouts. Come and swim in the deep end where the water's cool and dark. Come and swim. Captivate my eyes, satisfy my cry. Bonjour, c'est la troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. À chaque semaine, on reçoit des caisses de nouveautés là, et on les déballe, on les écoute, on regarde ce qui pourrait peut-être jouer dans les palmarès et qu'est-ce qui devrait finir dans le bac à recyclage de CD. Si ça existe, on pourrait les déchiqueter aussi, ça pourrait être bien. Dans cette troisième heure, on va entendre le nouvel album très attendu de The Mars Volta qui s'appelle The Bedlam and Goliath. On va aussi entendre Annick Granger avec Pépin. On va entendre Mosaïque aussi plus tard avec leur album qui m'a l'air tout à fait éponyme. Mais avant, on commence par une compilation de Putumayo. On aime toujours les compilations de Putumayo, c'est très très bon. Ils font différents styles de musique là, et ils prennent le meilleur de chaque. Dans ce cas-ci, c'est le Latin Reggae. Et donc, on va entendre pour commencer Muchachito Bombo Infierno avec Conversaciones Incompatibles dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Je sais pas en espagnol, oreille. Oreilles. Oreilles. Bien, bien. C'est faux. 8-9-1. Una conversación incompatible. Esto no tiene solución. Pero hoy no quiero ni verlo. Pero hoy no quiero saber qué. Llevamos a cabo una conversación incompatible. Esto no tiene solución. Increíble pero cierto, si al momento la acierto otra vez. Y es que nada que me importe más, que no hablaste al oído una vez más. Nada que me importe más, que no verme contigo. Nada que me importe más, que no estar en tu amiga una vez más. Nada que me importe más, que el que no esté conmigo. Bam bam brida ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba cuerpo me habla. Mi cara se delata y la garganta se me atraganta y el aire ya no pasa. Mulata descolora, que a mí me tienes abandonado. Mulata descolora, que a mí me tienes todo pillado. Mulata descolora, vente pa' aquí que ya no aguanto más este calvario. Oye, rhythm, rhythm, rhythm is love. Fácil es decir adiós sin saber, qué difícil es echar en el olvido el cariño que tú me das. Y es que no vale cubrirse, soy blanco seguro, mi cuerpo pide cabeza, me sigue. Vuelo remolón, no para quieto, oye. Mulata descolora, que a mí me tienes abandonado. Mulata descolora, que a mí me lleva todo pillado. Mulata descolora, vente pa' aquí que ya no aguanto más el de calvario. Oye. When the time walk out, you better be ready. When the time walk out, you better be away. Cause there's nothing else to lose, and nothing else to say, and nothing else to be, there's just a little peace. Ça, quand ça met de l'été un petit peu dans cet hiver rempli de neige, on aime tellement ça. C'est Putumayo Presents Latin America. L'artiste, comme vient d'entendre, c'est Macaco avec la pièce Mulata Descolora. Oui. Et avant, c'était Muchachito Bombo Infierno avec Conversazione Incompatibile dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Putumayo nous envoie toujours un petit livret avec un texte qui parle de ce que c'est cette musique-là, là, les artistes. Ils nous disent plein de choses biographiques. Donc, le reggae, qui vit le jour aux Caraïbes sur l'île de la Jamaïque, est l'un des styles musicaux les plus exportés au monde, infiltrant la musique populaire de la quasi-totalité des pays du globe. Tout comme leurs homologues européens, africains et américains, les musiciens espagnols et latino-américains ont adopté le rythme et la philosophie du reggae, composant des paroles empreintes de conscience sociale dans leur propre langue et agrémentant le groove malléable du reggae de quelques notes régionales. Le mélange de musique afro-cubaine, de flamenco, de rock et de musique électronique, oui, que l'on retrouve sur les chansons de cette compilation, est le gage d'une passionnante tendance qui agite aujourd'hui le monde de la musique hispanophone. De Buenos Aires à Barcelone, de jeunes groupes branchés ont ajouté le reggae à leur panoplie musicale. Il en résulte une approche originale de ce style qui reste aujourd'hui aussi populaire que lors de sa création en Jamaïque dans les années 60. En Espagne, plus particulièrement à Barcelone, le reggae est devenu un élément incontournable du style mestizo, un nouveau genre de musique populaire signifiant « mélanger » qui fait actuellement fureur. Cette description est tout à fait appropriée à l'environnement urbain multiculturel dont les jeunes musiciens s'inspirent. En Amérique du Sud, on ne compte plus les groupes de reggae ayant caracolé en tête des hit-parades ces 20 dernières années. Le rythme flegmatique propre au reggae a influencé les musiques locales populaires à un point tel qu'il est difficile de s'imaginer qu'on ait pu faire sans. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le Latin Reggae, sur l'album de Putumayo, allez voir le putumayo.com, P-U-T-U-M-A-Y-O.com, ou encore, passez par le site de l'émission qui va finir par revenir au www.unechance.com. Ça revient très, très bientôt, ça, c'est et juste pour vous dire. On passe à l'album de la semaine selon plusieurs personnes. C'était attendu depuis très longtemps. C'est le nouvel album de la formation The Mars Volta. Leur album s'appelle The Bedlam in Goliath. Et tout de suite, voici dans un style mais complètement différent, Aberrinkula dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Now, I'm les deux premières pièces du nouvel album de The Mars Volta qui s'appelle The Bedlam in Goliath. On vient d'entendre Metatron précédé de Aberring Kula. Ici dans le poste d'écoute, l'émission qui écoute les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Donc The Mars Volta, c'est un groupe de rock américain aux fortes influences latines formé en 2001 autour de Cedric Bixler-Zavala et de Omar Rodriguez Lopez. Sur leur MySpace, ça dit que c'est un groupe progressif rock metal, progressif rock expérimental, oui, de Los Angeles aux États-Unis. Ils sont en spectacle vraiment partout dans le monde. Je vois Berlin, Madrid, Paris, Bruxelles, Manchester, Londres. Donc, les membres présentement du groupe sont Omar Rodriguez Lopez, Cedric Bixler-Zavala, Juan Alderete, Isaiah Ike Owens, Marcel Rodriguez Lopez, Adrian Terrazas, Pablo Hinojos González et Thomas Prigen. Pour plus d'informations sur The Mars Volta et leur album, allez voir themarsvolta.com ou encore myspace.com/TheMarsVolta. Leur album, je le rappelle, c'est The Bedlam in Goliath. On termine l'émission, le poste d'écoute cette semaine, par deux albums francophones. Et on commence par Annick Granger. Son album s'appelle Pépin. Et tout de suite, voici le ruban de la cassette au poste d'écoute. Au 89.1 FM. Dans vos oreilles. Ça risque de changer de style. C'est comme ça que ça marche. Au poste d'écoute. Si l'asphalte nous rejette, qu'on interpelle la gravelle, quand le béton nous tire non, on roule et les rangs durent des kilomètres. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Il faut dérouler la fenêtre. Pourra craquer la chaufferette quand la buée va disparaître avec elle les empreintes que j'y ai faites. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Et on racontera des histoires, celles qui ne sortent que dans le noir avec. Sans raison de plus ce soir qu'un tas de ferraille et un plein réservoir. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Que nos contes s'entremêlent face après une épopée. Un toit toujours sur la tête et des oreilles pour s'écouter. Le soleil encore se lève, qu'on ne prenne pour acquis cette fête, et qu'encore on s'entête à s'aimer. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Comment ça va, tu n'as qu'à me regarder, c'est écrit sur mon front, mon visage de bois brûlé. Si tu veux savoir d'où vient le vent, tu n'as qu'à te retourner. Je suis à la lueur de la braise en train de souffler. Qu'est-ce qui pousse plus depuis le feu t'as mis dans ma. Avec ton canif sur ma peau, tes initiales dans le cœur, tranché en impulsion ou taillé en douceur. empreinte pour toujours d'une minute de bonheur. Mais l'arbre n'arrête pas de grandir et c'est ça qui me fait peur. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui pousse plus depuis le feu que t'as mis dans ma vie? Qu'est-ce qui meurt, qu'est-ce qui périt, qu'est-ce qui renaît, qu'est-ce qui survit? Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui pousse plus depuis le feu que t'as mis dans ma vie? Je suis un bout d'écorce du bois de bouleau. Je suis un bout d'écorce du bois de bouleau. Assise à tes côtés, mes branches, mes brindilles, mes feuilles de papier, fragile et fière de vivre dans la beauté. Et toi, t'es une allumette allumée. Si tu veux savoir comment ça va, tu n'as qu'à me regarder. Si t'écris sur mon mon âme de bois brûlé. Si tu veux savoir d'où vient le vent, tu n'as qu'à te retourner. Je suis à la lueur de la braise en train de souffler. Hey, hey. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui pousse plus depuis le feu que t'as mis dans ma vie? Qu'est-ce qui meurt, qu'est-ce qui périt, qu'est-ce qui renaît, qu'est-ce qui survit? Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui pousse plus depuis le feu que t'as mis dans ma vie? Je suis un bout d'écorce du bois de bouleau. Je suis un bout d'écorce du bois de bouleau. Je suis un bout d'écorce du bois de bouleau. Je suis un bout d'écorce du bois de bouleau. Yannick Granger et l'album Pépin, on vient d'entendre Depuis le feu. C'était précédé de la pièce Le ruban de la cassette, ici dans le poste d'écoute. Annick Granger commence 2008 de pied ferme avec la sortie de Pépin, son premier album solo, et son concert lancement le 2 février à la PDA. Cette rentrée montréalaise sera l'occasion d'un concert dans le cadre de la série Découverte des week-ends de la chanson québécoise au Studio Théâtre de la Place des Arts. Pour l'occasion, Annick se produit en quatuor en compagnie de Daniel Boivin à la guitare et la basse, de Guy Denis au banjo, dobro et mandoline et Sean Sassignuc à la percussion. Semi-finaliste au Francouverte 2007, Annick Granger n'en est pas à ses premières armes sur scène. Après 10 ans au cœur du duo François-Poly-Esther, Annick décide de poursuivre ses projets en solo. Depuis, elle ne cesse de parcourir le Canada et l'Europe en spectacle. Invitée dans plusieurs événements d'envergure, dont les Déferlantes francophones 2007 à Cap-Breton, en France, la tournée Coup de cœur francophone 2007, le festival Vue sur la relève 2007 de Montréal et le festival Voix de fête 2006 à Genève, en Suisse. Annick Granger avec Pépin offre aux amateurs de la chanson francophone des grooves planants aux solides effluves folk rock, dit son document de presse envoyé par l'étiquette. Finement ciselée, chaque chanson présente une nouvelle facette de cette belle fille des plaines. Les textes, la voix feutrée et la guitare percutante disent vrai, l'espoir illumine la vie. Si vous voulez plus d'informations sur Annick Granger, allez voir son site internet au annickgranger.info. Annick, c'est A-N-I-Q-U-E, donc annickgranger.info, ou encore le myspace.com/AnnickGranger. Vous pouvez entendre des pièces dont Loin, Loin, Loin, Loin, Les Pépins, Son Monstre et Mes Regrets. Tout ça sur le MySpace. Je rappelle qu'elle va être au Studio Théâtre de la Place des Arts, c'est ce qu'on voulait dire par PDA. C'est à Montréal le 2 février à 20h, c'est-à-dire demain, si vous écoutez en direct, le vendredi matin. Voilà pour Annick Granger, son album s'appelle encore une fois Pépin. On termine l'émission de cette semaine au poste d'écoute par un autre album francophone, celui de Mosaïque. On va l'entendre dans quelques secondes, la pièce 1631, et ce sera suivi plus tard de Dans ma zone. Et puis on parlera aussi un petit peu d'eux, c'est plus tard dans le poste d'écoute au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Thank you. M'éclater dans un moment d'ivresse, me transformer en surhumain, oublier que toute chose a une fin. Je suis seul au monde, bien dans ma zone, même le temps se fige à temps. Inventer sans m'épuiser, les mouvements s'enchaînent naturellement. Pur sang dans sa poulet, qui peut m'arrêter? Dans ma transe, je prends la démence. Bye bye bye bye bye bye bye. De la peur qu'on me croit l'imposteur. Surréaliste, je suis ma piste. La candeur reste première en liste. Équilibré, j'ai les deux pieds bien ancrés dans ma réalité. Je suis seul au monde, bien dans ma zone. J'ai mon trône dans l'œil du cyclone. Inventer sans m'épuiser, les mouvements s'enchaînent naturellement. Qui peut m'arrêter? Dans ma transe, je frôle la démence. Bye bye bye bye bye bye bye. J'suis dans ma zone. Bye bye bye bye bye bye bye. Y'a rien à faire. Bye bye bye bye bye bye bye. J'suis dans ma zone. Bye bye bye bye bye bye bye. Dans le soleil, les yeux dans le bleu. Mon cœur, mon corps, mes pensées, c'est tout ce que j'ai. Toute autre énergie m'envahit, me redonne confiance en la vie. Ces mots qui dansent quand le mouvement se paralyse. Ce vide de mon médecin, ce vide me fait faire le point. C'est nos vies qui s'ennuient. Pas de télévision ni de sirène, léger vent. Sentiments coulants et géants, c'est pour nous et ça me sauve de partout et voilà tout. J'suis le rebelle sur ma génération, mon navire a coulé, j'ai fixé l'horizon. J'suis le rebelle sur ma génération, j'ai échoué, mais j'suis pas mort ici, j'commence ma guérison. Mur de bois levé sur le rivage mène sur une plage. Les étoiles pour dormir, je suis mort de rire. Pas besoin de me la jouer compliquée. Il reste plus que moi dans ce simple égaré. Je suis enfin libéré. Svin mon médecin, Svin me fait faire le point. C'est nos vies qui s'ennuient. Pas de télévision ni sirène, léger vent, faisant flâner quelques nuages. Sentiments coulants et géants, c'est fou et nous. Et voilà tout. commence ma guérison. S'il repasse sur ma génération, mon navire a coulé, fixé l'horizon. S'il repasse sur ma génération, j'ai échoué.